Chapitre 13e, Fanny. Tandis que M. de Beaupréau courait chez Baccarat, celle-ci se trouvait de nouveau en tête-à-tête avec le capitaine Williams. Le baronnet et la courtisane étaient seuls dans un petit boudoir, où Baccarat ne recevait que ses plus intimes amis, et dont la situation isolée permettait d'y causer librement, sans crainte d'être entendu même par Fanny, qui avait la coutume d'écouter aux portes. Baccarat était pâle, défaite, et une larme roulait dans ses yeux. Williams était froid, calme, légèrement railleur, comme il convient au génie de la tentation. « Suis-je assez abaissé ?» murmura la courtisane, en songeant à quel prix elle achetait le célibat de Fernand. « Ma chère, répondit Williams, on n'a rien pour rien en ce bas monde. Ce bon monsieur de Beaupréau vous rend votre Fernand bien-aimé. Il est juste qu'il touche le prix de son abnégation. « Mais c'est ma sœur !» exclama Baccarat, essayant de résister encore. « Bon, après tout, c'est à son bonheur que vous et moi nous travaillons. Elle est sage, elle est honnête, elle veut un mari. » murmura Baccarat d'une voix sourde. « Nous en ferons dans 6 mois une reine de la mode. Elle aura comme vous chevaux et voitures, au lieu de tirer l'aiguille du soir au matin. Au lieu d'un horrible ouvrier aux mains noires, au bourgeron sale, ivre du matin au soir, en vertu de son droit de mari, nous lui donnerons, après cet odieux et grotesque Beaupréau, un joli vicomte qui aura groom et tilbury, de fines moustaches noires et 100 000 livres de rente. « Démon !» dit Baccarat qui avait le vertige. « Merci !» dit également le baronnet. Puis il tira sa montre. « Voyons » dit-il. « Il est 8h30. Le Beaupréau doit avoir joué sa scène à l'heure qu'il est. Décidez-vous, ma chère, où je rétablis les fêtes telles qu'elles sont en allant offrir mes hommages à sa femme et à sa fille. Et jamais Fernand ne mettra les pieds ici. » Baccarat courba le front et se tut. William s'étendit la main vers une table. « Asseyez-vous là, » dit-il, « et écrivez. » Baccarat, vaincu, se leva, alla vers la table et murmura, « Dictez. »« Ma bonne sœur, » dicta Williams, « si tu ne me viens pas en aide sur le champ, ta Louise est perdue, perdue sans retour. Je n'ai point le temps d'aller chez toi, de m'expliquer, de te révéler mon affreuse situation. Seulement, sache-le, il va de mon avenir et peut-être de ma vie. Cours sur le champ, aussi vite que tu le pourras, rue Serpente, 19. Demande à voir Madame Coquelet, et dis-lui, je viens pour ma sœur. Tu sauras alors ce qu'il faut faire pour me sauver, ta Louise, qui t'aime. » La plume échappa aux mains de Baccarat, et de larmes, longtemps contenues, roulèrent enfin sur ses joues. « Pauvre sœur, » murmura-t-elle. « Maintenant, » dit Williams, « attendons le Beaupréau. » Comme il achevait, un coup de sonnette retentit à l'intérieur du petit hôtel qui annonça l'arrivée d'un visiteur. « C'est lui, ce doit être lui, » murmura le baronnet. Et comme Baccarat se levait pour passer dans sa chambre à coucher et y recevoir le chef de bureau, Williams lui dit vivement, « Si c'est lui, vous saurez d'abord ce qu'il a fait et comment la scène a eu lieu. Puis vous le laisserez un moment et reviendrez me dire ce qui s'est passé avant de rien promettre. » Baccarat essuya ses larmes et redevint femme sur le champ. Elle se rajusta devant une glace, répara un léger désordre dans sa chevelure et sortit d'un pas ferme. Cerise était définitivement sacrifiée à cet amour pour Fernand Rocher, qui brûlait le cœur de la courtisane. C'était en effet M. de Beaupréau qui arrivait, essoufflé et triomphant, la lettre d'Hermine à la main. « Tenez, belle dame, » dit-il à Baccarat en la lui tendant, « lisez et voyez. » Baccarat s'empara de la lettre et lut le cœur palpitant et se dit à part elle, « Jamais il ne l'épousera. » M. de Beaupréau, à qui l'audace était revenue, s'assit tranquillement sur une bergère, passa une main dans son habit bleu et regarda la courtisane. « Eh bien, belle dame, » répondit-il, « ne ferez-vous rien pour moi, maintenant ?»« Attendez !» reprit Baccarat, qui, sans aucune explication et fidèle aux ordres de Williams, laissa le chef de bureau stupéfait et seul et retourna dans le boudoir où le baronnet l'attendait. Williams prit la lettre que Baccarat avait gardée, la lut attentivement et dit « C'est bien. C'est très bien. C'est beaucoup plus que je n'espérais. » Puis il ajouta, s'adressant à Baccarat, « Maintenant, ma chère, vous allez conseiller au Beaupréau de s'en aller rue Serpente numéro 19 vers 10h environ, d'y demander à voir Madame Coquelet de se fier à elle pour Cerise. « Est-ce tout ?» fit Baccarat. « Vous lui recommanderez en outre de ne donner demain aucune explication à Fernand Rocher si celui-ci lui en demande. « Bien, » dit Baccarat. « À présent, ma chère, quand le Beaupréau sera parti, je vous dirai ce qu'il faut faire de cette lettre. Et à moins que vous ne manquiez de patience et de sagacité, votre beau Fernand sera ici demain et n'en sortira plus. » Baccarat frissonna de joie et rejoignit M. de Beaupréau. En même temps, William sonna et Fanny parut. « Petite, dit le baronnet, tu vas prendre le coupé de ta maîtresse et porter ce billet à Mademoiselle Cerise. Si elle te demande des explications, tu diras que tu ne sais rien. Mais que ta maîtresse est dans un état affreux. Voici pour toi. » Une heure après, Williams quittait Baccarat et courait rue Serpente. « À nous deux, monsieur de Beaupréau, murmura-t-il en prenant les rênes de son tilbury. »